faire un petit point sur la grève dans l'éducation nationale. Donc on a eu une assemblée générale des personnels grévistes avec donc de l'éducation nationale tout à l'heure à 9h30 au centre Simone Veil à Gramont, à Rouen. On était une bonne trentaine, sachant qu'il y a des collègues qui sont mobilisés sur leurs établissements aujourd'hui. La reconduction dans l'éducation nationale aujourd'hui, elle est bien présente, même si elle est évidemment, je ne vais pas se mentir, minoritaire. Par contre, il y a une vraie volonté de construire et l'idée d'aujourd'hui, c'est d'à la fois continuer évidemment à apporter notre soutien, c'est pour ça qu'on est nombreux à être là, aller ensuite à la gare de Oissel, on a un programme assez chargé, et de passer la journée, donc cet après-midi et la journée de lundi, à continuer à mobiliser en reprenant à notre compte l'appel intersyndical national des mardis, mercredis et jeudi, en plus de la mobilisation de lundi. Dans l'organisation de la grève dans l'éducation nationale, on a une mobilisation pour demain aussi qui est importante pour tous ceux qui soutiennent la grève, ceux qui ont fait les grosses journées, ceux qui n'ont peut-être jamais fait grève et qui doivent demain venir renforcer la mobilisation à la manif de l'après-midi. C'est important, c'est pour ça que les distributions dans les établissements, sur les écoles doivent continuer et évidemment dans la société en général. Et lundi matin, on a une action au rectorat à 6h, qui est une action qui est importante dans l'éducation, parce que le rectorat est en lutte, a été en lutte et continue à subir les réorganisations et coupes budgétaires, comme dans tous les services publics. Et vous savez peut-être que l'Académie de Rouen et de Caen, ils ont fusionné, et que le personnel est en train de souffrir de manière assez importante. Donc le blocage du rectorat, pour nous, c'est pas un blocage des personnels pour les emmerder, mais c'est un blocage pour souligner d'abord qu'on est mobilisé auprès de notre instance principale qu'est le rectorat, et en plus d'apporter une discussion avec les personnels du rectorat et d'engager la discussion avec eux. Donc ce sera un blocage qui a pour objectif aussi de les mobiliser, même s'ils sont mobilisés sur leurs questions et on ne va pas leur donner de leçons là-dessus, mais par contre de les mobiliser avec nous, parce que c'est maintenant sur la question aussi des fusions et tout ça qu'on pourra gagner quand on a la force de la mobilisation interprofessionnelle avec nous. Donc samedi, lundi à 6h, on sera là à partir de 6h avec notre détermination et j'espère beaucoup de collègues et des soutiens de l'Interpro et aussi du café pour que les collègues du rectorat puissent continuer à discuter avec nous lorsqu'ils vont prendre leur service ou essayer de le prendre qu'on pourra et qu'ils ne pourront pas le faire. Voilà, merci.